France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un braquage exceptionnel, tant par l'ampleur de son butin, des milliards de francs, que par l'importance de son contexte, la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de l'attaque du train Périgueux-Bordeaux. Les faits remontent au 26 juillet 1944, quelques semaines tout juste après le débarquement des forces alliées en Normandie. Ce jour-là, plusieurs groupes de résistants français basés en Dordogne se lancent dans une incroyable opération commando. Il ne s'agit ni plus ni moins que de délester un train de la Banque de France, au nez à la barbe des autorités Vichy et des nazis. Le pari est risqué, bien sûr, terriblement audacieux, et le secret total, car l'enjeu est bien de mettre la main sur une cagnotte astronomique. On parle ici de plus de 2 milliards d'anciens francs, soit plus de 430 millions de nos euros. Aujourd'hui, bientôt 74 ans après les faits et malgré l'ouverture des archives publiques au début des années 2000, l'histoire qui entoure le braquage du train Périgueux-Bordeaux reste toujours parsemée de zones d'ombre et elle suscite encore les rumeurs les plus folles dans la région. Alors, pourquoi et comment les résistants se sont-ils lancés dans cet extraordinaire hold-up sur les rails? Quelles furent les éventuelles complicités au sein de l'appareil d'État français? Et enfin, comment fut réparti ce formidable trésor de guerre? Notre invité aujourd'hui, Guy Penaud, ancien commissaire de police, mais également historien spécialiste de la résistance. Il est l'auteur d'une longue enquête sur cette affaire, intitulée « Les milliards du train de Neuvik », paru aux éditions Fanlac en 2001. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat exceptionnel aujourd'hui avec la revue Sans Froid, et aussi comme d'habitude avec l'INA. Émission préparée par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Jeudi 1er juin 1944, sur les ondes de Radio Londres, la France libre s'adresse à la France occupée. Depuis plus de 3 ans, tous les soirs à heure fixe, la section française de la BBC envoie des messages codés à l'attention des groupes clandestins et des hommes du maquis. Genre, Lisette va bien, Richard dit bonjour à ses amis, Jean et Georges embrassent leur famille et autres phrases a priori sans importance. Or, derrière ces annonces volontairement sibyllines, se cachent de précieuses informations opérationnelles. Certaines d'entre elles révèlent par exemple le parachutage d'un agent de la résistance, d'autres avertissent du déclenchement d'une opération armée ou encore des mouvements de troupes ennemies. Ce 1er juin, malgré le brouillage de l'occupant allemand, le message qui parvient aux oreilles des résistants réveille en eux un incroyable espoir. Aujourd'hui célébrissime, ce message dit « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Ce sont les premiers vers d'un poème de Paul Verlaine, des mots magiques qui indiquent que l'histoire est en marche, que les forces alliées sont en route pour libérer la France et l'Europe du joug nazi. Une semaine plus tard, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, débute l'opération Overlord. Plus de 150 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie, à Utah, Juno, Sword, Gold et Omaha Beach. Ils sont américains, canadiens, anglais ou encore australiens. Parmi eux également des Français, membres du commando Kiefer. Tous ensemble, ils vont se battre pendant toute une journée pour franchir les quelques dizaines de mètres de sable qui les séparent des collines et des bunkers ennemis, un face-à-face mortel, une boucherie. Mais le sacrifice de tous ces jeunes soldats n'est pas vain. Au soir du 6 juin 1944, après ce qui fut la plus grande opération militaire de l'ère moderne, les forces alliées réussissent leur pari, elles posent le pied en France. Premier pas décisif dans la bataille pour libérer l'Europe. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il y a quelques jours encore, les forces alliées ne disposaient que de quelques têtes de pont. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. L'ennemi a essayé de résister de toutes ses forces. Mais l'attaque a été menée à fond et bientôt les forces de la libération prenaient contact avec le peuple de France. Dans les semaines qui suivent, malgré une situation toujours incertaine sur le front normand, un vent de liberté souffle partout sur l'Hexagone. Dans chaque ville et village, la résistance se dresse comme un seul homme pour donner le coup de grâce à l'ennemi. L'heure de la lutte armée a enfin sonné. Les actes de guérilla et de sabotage se multiplient, ponts, lignes téléphoniques ou voies de chemin de fer, les cibles ne manquent pas, tout comme les volontaires. Depuis l'annonce du débarquement, en effet, plusieurs milliers de personnes, jeunes ou moins jeunes, des instituteurs, des paysans, des boulangers, des gendarmes ou même d'anciens militaires, s'engagent aux côtés des forces françaises de l'intérieur, les fameux FFI. Suivant les régions, les enjeux sont différents. Mais la lutte contre l'occupant nazi reste la priorité. Chasser le cauchemar, se débarrasser de la peste brune. Dans certains départements, l'enthousiasme initial cède pourtant la place à la lassitude et au désarroi. En Dordogne, par exemple, l'armée des ombres fait pâle figure. Certes, ces 16 000 combattants ne manquent ni de courage, ni de volonté, mais ils font face à la traque de l'occupant allemand, toujours là, de plus en plus agressif comme la bête immonde, soudain blessé. Et surtout, ils font face, ces résistants, à un manque cruel de moyens financiers. Un comble d'ailleurs pour ce territoire, terreau fertile de la résistance, comme l'expliquera plus tard le journaliste Dominique Richard, au micro de France Culture. La Dordogne est une terre de résistance, puisque c'est une terre qui a été assez rapidement résistante, qui a vu refluer beaucoup de gens venus de mouvements divers et de diverses origines, et qui a été quand même une résistance assez vivace, mais assez fragmentée et éclatée, et puis avec une séparation très nette, mais c'est pas propre à la Dordogne, entre la résistance non communiste et la résistance communiste. Problèmes d'intendance, vétusté de l'armement, difficulté d'approvisionnement en vivres et en matériel de combat. Au début du mois de juillet, les forces françaises de l'intérieur en Dordogne ont un besoin impératif d'argent. Alors, comme ailleurs, les hommes du maquis procèdent à des réquisitions chez les paysans. Ils font de petits braquages, de bureaux de poste, ils attaquent des perceptions. Au fond, à chaque fois, le butin reste maigre et ne permet pas de soutenir durablement la lutte. Pire, plus les jours passent, plus les civils menacés de représailles par les Allemands et soumis aux réquisitions de nourriture se montrent réticents à soutenir les résistants. Pour le lieutenant-colonel Gaucher, chef du FFI en Dordogne, la situation est grave. Il écrit au préfet du maquis Maxime Roux, l'homme envoyé par le général de Gaulle pour coordonner et unifier l'action de la résistance en zone libre. Gaucher réclame des moyens afin d'éviter, dit-il, que le mouvement de résistance ne se désagrège et que la situation ne bascule en une crise de banditisme généralisée. Lorsqu'il envoie sa lettre, le chef des FFI de Dordogne est alors à mille lieues d'imaginer que c'est un jeune préfet, oui, un jeune préfet nommé par le régime de Vichy, qui s'apprête à offrir une solution. En ce début d'été 44, il flotte dans les rues de Périgueux, chef-lieu du département de la Dordogne, une certaine tension. Sur l'aérodrome, à la sortie de la ville, les avions de la Luftwaffe restent au sol, mais la Wehrmacht, elle, respire encore. Pire, les mouvements de troupes du Reich se renforcent. Des camions vont et viennent. Des hommes en armes chargent et déchargent de mystérieuses cargaisons. Les nazis préparent quelque chose, oui, c'est sûr. Mais quoi? Les Périgourdins l'ignorent. Au même moment, assis à son bureau, le préfet du département, Eugène Callard, lit et annote les derniers rapports de la gendarmerie sur les actes de sabotage ou de banditisme réalisés par les hommes de la résistance. À tout juste 34 ans, costume sombre et chemise claire, ce préfet est un fonctionnaire modèle du régime de Vichy. Le jeune homme possède des états de service irréprochables. Et surtout, il traîne derrière lui une solide réputation prête à tout pour combattre la résistance. « Mais depuis le débarquement des Alliés en Normandie, le jeune préfet, comme beaucoup d'autres, a pris conscience que le vent de l'histoire risque de tourner et qu'il va se retrouver, lui, du mauvais côté de la barrière. Alors, il décide de jouer sur les deux tableaux. Ainsi, à plusieurs reprises et dans le plus grand secret, il rencontre des responsables des forces françaises de l'intérieur. Et très vite, il prend conscience de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les résistants. À la suite de mes échanges avec le lieutenant-colonel Gaucher, j'ai vite compris que le plus urgent pour lui était l'argent. Si le maquis de Dordogne ne pouvait pas payer ses réquisitions, si le maquis ne pouvait assurer l'approvisionnement de ses hommes, des actes de brigandage et de vol étaient à redouter partout sur le territoire. Je savais que le lieutenant-colonel Gaucher, chef des FFI, avait au plus haut point le souci de l'ordre public. J'avais le même intérêt que lui. Nous ne pouvions donc que nous entendre. Première mesure pour aider ses nouveaux amis du maquis, Eugène Calard donne l'ordre aux trésoriers payeurs d'approvisionner les centres de perception du département en espèces et pour des montants largement supérieurs à leurs besoins, de façon à ce qu'à chaque braquage, les résistants repartent avec le gros lot. Mais le système montre vite ses limites. Les soldats allemands guettent et renforcent leur surveillance des perceptions. Germe alors, dans l'esprit du préfet Calard, une autre idée. Offrir à la résistance un coup spectaculaire. Enfin, lui permettre de le réaliser. Au début du mois de juillet 1944, à la préfecture de Périgueux, Eugène Calard reçoit les représentants de la Banque de France. L'échange est courtois, mais le ton traduit une certaine inquiétude. D'emblée, les deux représentants du Trésor public manifestent au préfet leurs craintes. Plus tard, Calard racontera cette scène. Le directeur de la Banque de France de Périgueux me soulignait les tracas que lui occasionnait la présence dans ses caves de plusieurs milliards de francs. En effet, depuis le début de la guerre, par peur des bombardements ou d'un éventuel débarquement allié en Aquitaine, on avait transféré les réserves en devises de la succursale de Bordeaux dans celle de Périgueux. Il y avait donc énormément d'argent dans les coffres. Ensuite, le directeur de la Banque de France, de Périgueux, donne au préfet une estimation de cet argent présent sur ses livres de compte. Entre 8 et 10 milliards de francs, s'exclame-t-il. Bingo, se dit Eugène Calard. À ces mots, je vis la possibilité de procurer une incroyable quantité de fonds au préfet du Maquis, Maxime Roux, et aux autres groupes de résistants. J'abondais donc dans le sens du directeur de la Banque de France, et je lui suggérais, à l'occasion de la prochaine demande de liquidité de leur succursale à Bordeaux, de faire sortir des caves de la Banque de Périgueux un chiffre important de billets. Dans les jours qui suivent cet échange, le 25 juillet, le préfet Calard reçoit un coup de téléphone précieux. À l'autre bout du fil, le directeur de la Banque de France, de Périgueux. Ce dernier informe le préfet qu'à la suite de leur discussion et après réflexion, un train spécial partira le lendemain à destination de Bordeaux avec à son bord 6 tonnes de billets répartis dans 150 sacs de jute. Montant total du transfert, 2 milliards et 280 millions de francs, un record. Alors, sans perdre une seconde, le préfet Calard avertit la résistance avec ce message explicite « Débrouillez-vous comme vous voulez, mais ce train ne doit jamais arriver à Bordeaux. » Le 25 juillet au soir, sur les routes sinueuses de la Dordogne, dans la moiteur d'une nuit d'été, comme dans un film noir et blanc qui raconte la résistance, une jeune femme pédale sur sa bicyclette. Vêtue d'une robe et d'un chemisier, Monique Négrier, c'est son nom, est en mission secrète. Une demi-heure plus tôt, son contact à la préfecture lui a transmis le message du préfet Calard. Le pli qu'elle transporte est à destination de son père, membre connu de la résistance en Dordogne. Dans l'enveloppe, on trouve toutes les informations nécessaires à l'interception du train Périgueux-Bordeaux. Le numéro de voyage, l'heure de départ, le montant que transportera le convoi, le nombre de passagers. Seules manquent les précisions sur l'escorte qui sera présente à bord. Une fois parvenus au siège secret des FFI, les résistants se mettent au travail avec le document entre les mains. Il y a là un certain Roland Clé, chef de l'opération. Il y a aussi une figure bien connue des actions clandestines dans le département, Raoul Christophe, alias Cricri, qui sera en charge de mener l'un des groupes lors de l'assaut du lendemain. Grâce à une carte de la région, Roland, Cricri et leurs camarades évaluent les opportunités qui s'offrent à eux. Et d'emblée, plusieurs problèmes se posent. Le butin convoité représente plus de 6 tonnes. Il faudra donc du temps pour le transférer, beaucoup de temps. Et sur le plan matériel, il faut prévoir au moins 2 camions pour transporter les sacs d'argent. Ensuite, il faut trouver le lieu qui permettra de décharger rapidement le train sans éveiller les soupçons des Allemands, un endroit suffisamment à l'écart. Après réflexion, les résistants choisissent de réaliser l'interception du train dans la gare d'un petit village, Neuvic-sur-l'Isle, situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Périgueux. L'endroit dispose de plusieurs routes aux alentours pour prendre la fuite. De plus, la configuration de la gare de Neuvic permet d'agir sans perdre de temps. Dehors, alors que le jour se lève sur la Dordogne, les chefs de la résistance terminent leurs préparatifs. Puis ils partent se coucher. Malgré toute leur préparation, le doute plane encore. Qui peut prévoir comment les choses vont tourner une fois sur place ? Mercredi 26 juillet 1944, il est un peu plus de 18h. En gare de Périgueux, on charge le train omnibus à destination de Bordeaux. Les passagers, à leur tour, s'installent dans leur compartiment. Personne ne prête à leur attention à un homme d'une quarantaine d'années qui déambule sur le quai. L'individu joue les badauds, il flâne. En réalité, cet observateur est un membre de l'armée secrète et il ne rate pas une miette du spectacle qui s'offre à lui. Sous ses yeux, en effet, des agents de la Banque de France et des policiers chargent des dizaines de sacs en toile de jute dans l'un des wagons. Une fois le train prêt à partir, l'homme s'éclipse. Il s'en va prévenir les résistants. Quelques minutes plus tard, dans la campagne du Périgord, au quartier général des FFI, dans le bois de Sandrieux, les chefs d'unité reçoivent le signal. Ils avertissent leurs hommes. Alors, Roland Clé, Cricri et ses camarades, qui avaient jusque-là gardé le secret absolu sur cette opération afin d'éviter les fuites, vont devoir agir. Mais là, place, effectivement, à l'action, comme en témoigne un ancien membre du commando. Nous étions sous les bois, là, sous les châtaigniers. Il faisait environ 45 degrés à l'ombre. Quand tout d'un coup, nos chefs arrivent, notamment moi, mon chef direct, le caporal Brèche, et se mettent en criant « Vite, vite, prenez des armes et des munitions au camion !» Dans le brouhaha du départ, où il y avait un enthousiasme, vous ne pouvez pas vous l'imaginer, ce que nous, les jeunes, on était contents de partir. On était contents, vous m'avez entendu. Mais le bruit courait, on va attaquer un train blindé, et si le coup réussit, vous aurez une grosse récompense. À 18h30, 80 résistants débarquent à bord de sidecar, motos, voitures et camions à Neuvic-sur-l'Isle. Revêtus de tenues de combat kaki volées la veille, brassards bleu, blanc, rouge avec le symbole de la croix de Lorraine au bras, ils prennent d'assaut le village. Arme à la main, ils invitent les habitants à rentrer chez eux et à fermer leurs volets. Ensuite, ils installent des barrages sur les routes et des mines en aval de la voie de chemin de fer. Les chefs de groupe répartissent ensuite leurs hommes. Ils investissent la gare, le personnel et les voyageurs sont rapidement maîtrisés puis cantonnés dans la salle d'attente. À l'extérieur, des tireurs s'installent en embuscade, dans les fossés. Un autre homme brandit un bazooka en direction de la route, comme le raconte ce membre du commando. Nous sommes allés prendre position avec le fusil mitrailleur sur le petit mur qui surplombe le sud de la gare de Neuvic. C'est-à-dire que nous étions en éventail sur ce mur avec le fusil mitrailleur, les fusils et le caporal Brèche avec sa mitraillette. Et le fusil mitrailleur avait au moins 10 chargeurs à sa disposition. Et il y avait quelques grenades aussi. Et alors nous étions au balcon. Toutes les armes étaient engagées. Toutes les armes avaient la cartouche engagée. On était tous à l'affût. Il n'y avait qu'à appuyer sur les gâchettes. Dans la gare, les chefs de groupe, dont Cricri, donnent leur dernière consigne. En cas de problème, 2 coups de sifflet signifieront feu à volonté. Alors, Alors chacun des hommes se met en position et l'attente commence. Les questions, elles, fusent dans la tête des maquisards. Le train sera-t-il blindé? Combien de soldats allemands seront dans l'escorte? À 19h30, après une demi-heure aux aguets, toujours rien. Roland Clay, le chef de l'opération, commence à douter. Et si les Allemands étaient au courant? Et s'il s'agissait d'un piège? Il n'a pas le temps de trouver la réponse à cette question que soudain on entend au loin le bruit sourd d'une locomotive. Les membres du commando la mettent en joue. Chacun d'entre eux retient son souffle. Cette fois, ça y est, l'heure de vérité a sonné. Des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. À nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Mercredi 26 juillet 1944. Il est un peu plus de 19h30 lorsque le train omnibus Périgueux-Bordeaux entre en gare de Neuvic-sur-l'Isle. La puissante locomotive arrive au ralenti, puis s'immobilise le long du quai, comme prévu. Les résistants scrutent le convoi d'une dizaine de wagons. Surprise, il ne s'agit pas d'un train blindé et il n'y a, à première vue, ni d'escorte, ni de soldats allemands à son bord. Alors, Roland et Cricri se précipitent armes à la main le long du quai. Depuis leur position de tir, des résistants mettent en joue les fenêtres et les wagons. En bas, d'autres maquisards encerclent le convoi. Exhibant son brassard bleu, blanc, rouge avec le symbole de la Croix de Lorraine, Roland ordonne aux passagers de rester assis. Le chef de train, lui, descend de sa locomotive. Il passe sans s'arrêter devant Roland, et lorsqu'il le croise, le cheminot regarde le chef du commando avec un demi-sourire et lui murmure « Fourgon de tête, c'est pour vous ». Alors, sans perdre une seconde, les maquisards s'approchent du wagon de transport. Deux d'entre eux tirent la porte coulissante. Avec fracas, elle s'ouvrait là. Roland, Cricri et leurs hommes restent médusés. À l'intérieur du wagon, en effet, 150 sacs de jute remplis de billets et seuls 4 inspecteurs de police pour les protéger. Roland suit avec méthode et rigueur le plan de l'opération. Il ordonne tout d'abord de détacher le wagon, puis de l'emmener sur une voie parallèle afin qu'on amène les camions et qu'on transvase l'argent. Un quart d'heure plus tard, le déchargement commence sous les yeux stupéfaits des deux agents de la Banque de France présents dans le train. Au même moment, dans le bureau du chef de gare, le téléphone se met à sonner. À l'autre bout de la ligne, des cheminots de Mussy-Dedan et Saint-Astier interrogent sur les causes du retard. Gilbert Duchose, jeune stagiaire à la SNCF, leur répond alors d'un ton calme. « Ne vous inquiétez pas, il y a juste un problème de manœuvre avec le wagon. On fait au plus vite. » À quelques dizaines de mètres, sur le quai, le transfert de l'argent continue. Sac après sac. Les résistants chargent les deux camions de transport. Il faut faire vite, leur cri relent, car si les Allemands débarquent à Neuvik, le hold-up risque de tourner au carnage. Alors que Cricri vient à son tour aider ses hommes à charger le camion, l'un des agents de la Banque de France court vers lui. Il explique au résistant qu'il a besoin d'un bon de réquisition pour justifier le braquage auprès de sa hiérarchie. Sur une feuille de carnet, Cricri écrit alors cette note. Bon de réquisition numéro 306, à l'ordre de Banque de France, succursale de Bordeaux. Nature de l'objet, coupure de billets en 150 sacs. Valeur approximative, 2 milliards et 280 millions de francs. À 20h15, une fois les camions chargés, les résistants repartent. Gilbert Duchose, le jeune stagiaire de la SNCF, assiste à la scène. Des années plus tard, il la raconte. Les deux camions qui sont partis, ils ont franchi la barrière de la gare en trombe. Ça faisait un nuage de poussière. Alors moi, j'étais dehors aussi, je regardais. Tout d'un coup, j'ai gueulé. Je leur ai dit au gars, j'ai dit, attention les gars, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et ils avaient tombé un sac finance qui pesait je ne sais pas combien. Il y en a vu pour combien, je ne sais pas, dedans. Alors, ils se sont arrêtés. Ils ont descendu le camion, ils ont attrapé le sac comme un sac de pommes de terre, ils l'ont relancé dans le camion, ils ont sauté dans le camion, ils sont repartis. Alors, il fallait voir un peu, c'était le vrai Far West, hein, un peu c'était pittoresque. Hein. Après 58 minutes d'action, la plus grosse attaque de train de l'histoire s'achève. Aucun coup de feu n'a été tiré, aucune goutte de sang n'a été versée dans les rangs des résistants, ni dans ceux de la population civile. L'opération est donc un succès sur toute la ligne. Mais le chef Roland n'a pas le temps de se féliciter que les ennuis commencent. Après 10 km sur les routes de Dordogne, l'un des deux camions de transport tombe en panne. Dans la nuit noire et sous la pluie, éclairée par la seule lumière des phares de leur véhicule, les maquisards transvasent les sacs du premier camion vers le second. Les 6 tonnes de billets écrasent de leur poids le véhicule et celui-ci repart à faible allure. Un quart d'heure plus tard, après un périple d'une lenteur extrême, le camion arrive enfin à la lisière du bois de Cendrieux. Il s'embourbe dans un sentier détrempé, puis il rend l'âme. On entreprend alors de transporter les sacs à dos d'hommes jusqu'au quartier général des FFI, situé à quelques centaines de mètres de là. Appelés en renfort, d'autres hommes du maquis qui n'ont pas participé à l'opération viennent donner un coup de main. Ils pensent alors transporter des sacs remplis de farine. Aucun de nom, aucun, n'imagine qu'ils ont entre les mains les milliards du train de Périgueux-Bordeaux. Après cette dernière péripétie, deux membres du commando racontent l'arrivée au camp. Quand on est arrivé, il faisait une nuit. Il était tard. Hein, et le lendemain, on a eu un rapport au drapeau. Et le lieutenant Gandouin nous a dit qu'il n'y aurait pas de prime, qu'on ne toucherait rien, que nous étions des soldats et qu'on n'était pas venus pour gagner de l'argent. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. Il a dit qu'il n'y aura pas de prime, nous sommes des soldats, nous sommes pour servir la France, il n'y aura pas d'argent. Et il n'y en a pas eu. Le lendemain matin, jeudi 27 juillet 1944, un homme se présente dans le bureau du préfet Callard, l'un des premiers informés la veille du hold-up en gare de Neuvik. Mais ce matin-là, le visiteur de Jeanne Callard n'est pas un membre de la résistance qui vient de remercier, non, c'est le chef de la Gestapo de Périgueux. Fou de rage, le militaire allemand exige des explications. « Nous pouvons et nous allons faire très mal », affirme-t-il au détour d'une phrase. Cette attaque de Neuvik, poursuit-il, aura de très lourdes conséquences. Après un autre échange houleux, cette fois avec le directeur de la Banque de France à Périgueux, le chef de la Gestapo donne l'ordre de constituer une colonne armée pour quadriller le secteur. Guidé par des indicateurs, un détachement d'une centaine d'hommes prend la route de Saint-Astier-sur-Neuvic, puis encercle le lieu-dit La Martinière. À quelques centaines de mètres de là, se trouve un groupe de résistants qui n'a pas à participer à l'attaque du train, mais c'est sur eux que va fondre la colère allemande. Tel un aigle fonçant sur sa proie, la colonne de répression pilonne le repère des résistants et le bilan est terrible. 32 hommes du maquis sont abattus, certains blessés seront exécutés d'une balle dans la tête. Quelques semaines tout juste après le massacre du village d'Oradour-sur-Glane, les nazis continuent de semer l'horreur. Des années plus tard, face à de jeunes collégiens, un habitant de la région témoigne. Il y a eu des représailles, c'est une division allemande, la division Brenner, qui a remonté dans la Double et qui a incendié des fermes, qui a incendié, et il y a eu le jour même... L'attaque à Saint-Germain, là, où il y a une trentaine de résistants qui ont été tués. Bilan de la journée, 5 fermes sont brûlées et 4 civils soupçonnés d'avoir aidé les résistants sont fusillés pour l'exemple. Au total, une quarantaine de Français sont assassinés. De son côté, la résistance ne perd pas de temps. Sur ordre du préfet du maquis Maxime Roux, les chefs de groupe dispersent les sacs d'argent dans plusieurs planques pour éviter que les Allemands ne remettent la main dessus. Certains sacs finissent chez des agriculteurs, dans des caves, sous les fermes. D'autres sont camouflés sous des meules de foin, dans les granges. Premier usage de l'argent, honorer les fameux bons de réquisition signés par les maquisards aux paysans contre la nourriture. Partout dans le département, des émissaires parcourent les routes pour rembourser la population de ses efforts. Une autre partie de la somme sert à renflouer les caisses d'une multitude de groupes de la résistance, en Corrèze notamment, mais aussi en Haute-Vienne, dans l'Indre et même jusqu'à Lyon. Dans la semaine qui suit, au début du mois d'août 1944, au siège de la Banque de France à Paris, là aussi c'est l'heure des comptes. 2 milliards et 280 millions de francs manquent à l'appel, ça se voit. Le hold-up de Neuvic est dans toutes les conversations. En réaction, et pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire, on décide d'envoyer sur place, en Dordogne donc, un enquêteur. L'inspecteur général Jean Daud se présente donc à Périgueux. Mais le contexte ne lui est pas favorable. En pleine débâcle, l'armée allemande est sur le point d'évacuer la ville et les résistants multiplient leurs opérations de déstabilisation. Sur place, l'inspecteur Jean Daud se heurte au mur du silence. Que ce soit les personnels de la gare de Neuvic, les policiers présents à bord du train ou même les témoins présents lors du hold-up, personne ne veut lui parler. Au contraire, chacun élude soigneusement les questions. Quant au préfet Calard, il fait même semblant de ne pas s'intéresser à cette affaire. Dans la foulée, la Banque de France dépose plainte. Mais le juge délivre une ordonnance de non-lieu car il est clair ici qu'il ne s'agit pas d'un acte de banditisme mais bien d'un acte commis par les résistants dans leur combat pour libérer la France. La plainte est donc classée sans suite. Et de toute façon, dans le contexte de la libération, les Françaises et les Français regardent ailleurs. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par son peuple avec le concours de la France tout entière. Le 25 août 1944, aux premières heures de la libération de la capitale, le général de Gaulle prononce, place de l'Hôtel de Ville, un discours depuis entré dans les mémoires. Dans les jours qui suivent, la trésorerie de la Banque de France à Périgueux reçoit plus de 630 millions de francs. Cet argent est en réalité une partie du butin du braquage du train Périgueux-Bordeaux. Et il apporte avec lui la preuve que la résistance n'a pas agi de manière crapuleuse. À la fin de l'année 1945, sur ordre du gouvernement provisoire, un jeune inspecteur des finances, Bernard Clapier, retourne en Dordogne pour tirer les choses au clair. Dans son compte-rendu, il apparaît qu'une partie de la somme a bien été répartie entre les divers mouvements de résistance, toutes tendances politiques confondues, mais un décortiquage plus précis laisse apparaître de véritables trous noirs dans la comptabilité. Ainsi, sur les 2,28 milliards de francs récupérés par les hommes du maquis le 26 juillet 1944 à Neuvik, seul un tiers de la somme, 850 millions, a véritablement servi les intérêts de la résistance. À cela s'ajoutent 200 millions de francs mis à disposition des délégués militaires de la zone sud et 120 millions attribués par la suite à la DGER, l'ancêtre de nos services secrets. Bien, si on additionne les 630 millions de francs remis par les résistants à la Banque de France à la fin de l'été 1944, eh bien le compte n'y est pas. Non, il reste un peu plus de 444 millions de francs pour lesquels on ignore l'usage et la destination, bref, évanouis dans la nature. En 1952, l'affaire de Neuvik rebondit et prend des proportions nationales. Dans les couloirs de l'Assemblée, plusieurs députés posent des questions. Pourquoi le rapport Clapier n'a-t-il jamais été publié? Qu'est-ce que cela cache? Embarrassé, le gouvernement n'apportera jamais aucune réponse. Puis les années vont passer. Alors, en pleine reconstruction, le pays va progressivement tourner la page sur ses années d'occupation. Mais en Dordogne, et plus largement dans le Périgord, l'affaire du hold-up du train Périgueux-Bordeaux donne lieu à une véritable vaudeville. Partout dans la région, les rumeurs les plus folles circulent. Certains commerçants en accusent d'autres de s'être enrichis avec l'argent détourné du hold-up. Des familles pointent du doigt d'autres familles qui ont, selon elles, utilisé une partie du magot pour s'offrir des villas de luxe sur la Côte d'Azur. Enfin, aucune preuve, mais le poids du soupçon va longtemps animer la vie des Périgourdins. Aujourd'hui encore, plus de 70 ans après la libération, les historiens n'en finissent pas de tenter d'expliquer les mystères, les légendes, les hauts faits, les dérives liées à la résistance. Le braquage spectaculaire du train Périgueux-Bordeaux en fait partie. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles aujourd'hui, le casse de la résistance, les milliards du train Bordeaux-Périgueux avec notre invité en duplex dans les studios de France Bleu à Périgueux, Guy Penaud, bonjour. Bonjour. Ancien commissaire de police, mais également historien spécialiste de la résistance. Vous êtes l'auteur d'une longue enquête sur le sujet. Vous avez rencontré de nombreux témoins qui ont participé directement aux faits et vous avez eu accès aux archives sur cette affaire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur cet épisode intitulé « Les milliards du train de Neuvik » paru aux éditions Fanlac en 2001. Alors j'en profite pour signaler à nos auditeurs que la revue Sang Froid consacre une longue enquête à cette affaire sous la plume du journaliste Philippe Lobjoie. Voilà, Guy Penaud, on découvre à travers cette histoire que la situation des résistants d'Ordogne au moment du débarquement est très délicate. Ces hommes sont à la limite de l'asphyxie financière et donc de l'asphyxie de l'action. Sans argent, difficile de mener des actions. Quel est le contexte réel qui entoure la résistance en Dordogne, juste après le débarquement? Alors le Périgord était en grande partie en zone libre jusqu'au nord en 42. Peu de maquis s'étaient formés. L'arrivée des troupes allemandes a changé la donne. En outre, l'instauration du STO a fait que beaucoup de jeunes gens qui ne voulaient pas aller travailler en Allemagne ont rejoint la clandestinité dans les bois ou les fermes abandonnées en devenant maquisards pour intégrer des groupes plus ou moins grands. Mais la vie clandestine n'était pas simple. Ils étaient logés sommairement, avaient du mal à trouver de l'armement et devaient souvent changer de lieu de refuge du fait des opérations de la Wehrmacht ou des unités répressives de Vichy. Et pour survivre ou se déplacer, il leur fallait attaquer des perceptions, bureaux de poste, voler des véhicules ou chaparder de la nourriture. Cette situation délicate a empiré après le débarquement à la suite de la venue de milliers de nouveaux résistants ayant quitté leur famille et leur travail. Et très vite, les responsables, dont le patron des FFI, le lieutenant-colonel Gaucher, ont décidé qu'il fallait prendre des mesures pour éviter que le doute et l'abattement s'installent parmi leurs troupes. D'où l'attaque du train transportant des milliards de francs, car les responsables de la résistance avaient été même surpris par la masse des Périgourdins qui avaient rejoint la résistance clandestine. Alors, ça c'est un fait. Effectivement, il y en a un deuxième qui est important. C'est le rôle essentiel que joue le préfet Eugène Calard, préfet du régime de Vichy, donc vichiste. Puis, il retourne sa veste, du bon côté, comme dirait Jacques Dutronc dans sa chanson. Comme beaucoup d'autres à cette époque, où c'est un geste plutôt rare. Alors, en effet, après le 6 juin 44, beaucoup de hauts fonctionnaires qui jusqu'alors servaient le régime de Vichy ont subitement changé d'opinion. Ainsi, Eugène Calard, comme vous l'avez dit, était sous-préfet de Bergerac de mai 43 au mois de juin 44. Sous-préfet. Et sous-préfet de Bergerac. Il a d'abord fait la chasse aux résistants alors qu'il était sous-préfet. Mais il a été nommé préfet de la Dordogne après le débarquement du 6 juin 44 et le départ précipité du préfet alors en poste. Il s'empresse, dès son installation à Périgueux, à prendre contact avec les responsables de la résistance. Il avait déjà tourné sa veste. Mais de même, par exemple, Maxime Roux, qui était inspecteur d'académie de 1939 à juin 1944, par exemple, avait appliqué les directives de Vichy concernant les juifs ou les francs-maçons. Puis, après le débarquement, il a rejoint le maquis, devenant jusqu'à la libération le préfet du maquis, puis, après la libération, préfet du département d'août 44 à jusqu'en 1946. Bien d'autres fonctionnaires, même des policiers ou d'anciens militaires, ont rejoint le maquis après le débarquement, sentant sans doute que la fin était proche et que la libération approchait. Oui, parce qu'il y a ceux aussi qui avaient servi Vichy au début et puis qui ont changé de chemin, mais bien avant 44, genre 42, 43, il y a eu effectivement plusieurs cas de figure. Alors, par souci de clarté, de l'autre côté maintenant, du côté des résistants, il y a les FFI, les hommes du maquis, qui doivent regrouper tous les combattants dans cette affaire. C'était quoi, plus précisément, la situation de la résistance en Dordogne, quels étaient les différents groupes? Alors, en Périgord, je pense comme ailleurs en France, d'ailleurs, deux forces importantes. Les forces importantes regroupaient des groupes de maquis. Il y avait les plus importants, ceux dépendant de l'AS, ou armée secrète, disons plutôt gaulliste, et les FTP, ou francs tireurs et partisans, sensiblement communistes, même si on trouvait des gaullistes chez les FTP et des communistes dans l'AS. C'est seulement le 6 juin 1944 qu'en Périgord, les deux forces sont regroupées au sein des FFI, Force française de l'intérieur, avec un état-major unifié, mais les unités sont restées autonomes, se disputant même quelquefois des territoires et se faisant quelquefois la guerre, en particulier lorsque des parachutages étaient faits pour une unité, par exemple, surtout pour l'AS. Les FTP voulaient récupérer également toutes les armes ou les munitions qui étaient parachutées. Oui, il s'agissait aussi de trouver une place au soleil après la victoire. Il se battait pour la victoire, il savait qu'après la guerre, il y avait la paix, et que pendant la paix, il faudrait reconstruire la France, la démocratie, la politique. J'imagine qu'il y avait comme ça des césures politiques au sein de la résistance, quand on pensait déjà à l'avenir. Hein. Absolument, mais je crois que dès cet instant-là, aussi bien les gens de l'AS que ceux des FTP, à tout moment, avaient en vue, en perspective, déjà la libération. Mmh. Qui prendrait le pouvoir? Eh oui. Le général de Gaulle, les communistes, et donc il y a eu vraiment une guerre qui opposait presque les résistants à cette époque-là, et donc la perspective de la libération et la prise de pouvoir après était importante pour tout le monde. Alors, on va écouter une archive. Il s'agit du témoignage du journaliste Jacques Lagrange, un témoignage délivré au micro de France Culture. Écoutez. Le 26 juillet 44, j'avais pas encore 10 ans et j'ai vu un défilé de gens sur la route 89 à pied et d'où viennent-ils? Ils viennent de Neuvik. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Le train a été arrêté et les gens revenaient vers Périgueux à pied. Ça a été ma première évocation de Neuvik. Alors la seconde vision que j'ai eue, c'est plusieurs années après la libération, où l'on évoquait ceux qui s'étaient enrichis. Il y a eu le coup de Neuvik, comme on disait, l'attaque du train d'or, disait-on alors, et ils ont récupéré quelques lingots. Alors on montrait du doigt, en catimini, les gens qui auraient profité de cette manne providentielle. Et on disait, vous voyez, il a refait la devanture de sa boulangerie, c'est grâce au coup de Neuvik. Bon, alors on va arriver à l'affaire qui fâche, l'affaire sensible, Guy Penaud. Que les choses soient claires, comme nous l'avons rapporté dans le récit, le délestage du train Périgueux-Bordeaux est et reste un acte de résistance. C'est un acte de guerre. Ça, c'est, je crois qu'il faut l'accepter comme tel et je crois ne pas y revenir. Mais enfin, comment la résistance a-t-elle mis à profit cet argent? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Alors, on sait naturellement, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, on sait que beaucoup de citoyens, fonctionnaires, gendarmes, policiers, ouvriers, commerçants, membres des professions libérales, souvent en charge de famille, ont rejoint le maquis, surtout après le débarquement du 6 juin 44. Ils ne percevaient plus leur salaire. En ces temps difficiles, il convenait qu'ils puissent encore soutenir leur famille financièrement. En outre, il fallait bien équiper ces nouveaux résistants, les nourrir, les soigner. Il fallait donc de l'argent frais, et les résistants ne pouvaient pas se conduire comme des brigands, pas attaquer les particuliers. De ce point de vue, les milliards du train de Neuvik ont largement contribué à maintenir le moral dans les rangs. Donc on est bien d'accord, c'est un acte de guerre. C'est tout à fait un acte de guerre. Ça a été reconnu d'ailleurs par les magistrats qui ont enquêté à la libération, oui. Et qui ont bien déterminé qu'il s'agissait d'un acte de résistance et donc aucune poursuite n'a été menée contre les auteurs. Il faut dire les résistants qui ont attaqué ce train pour le bien de la résistance. Alors, toutefois, j'ai cru comprendre que si on fait les comptes, on n'a pas la traçabilité de tout l'argent dérobé. Est-ce qu'il y a une partie qu'on n'a jamais retrouvée et ce qui pourrait quand même générer quelques questions pour le coup? Alors, il s'agit de questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse définitive. J'imagine. Comme vous le dites, une partie des fonds dérobés a servi aux besoins de la résistance. C'est incontestable. Du moins, une partie des fonds a bien été versée à des responsables des mouvements clandestins, sans que l'on sache la destination finale des fonds. Probablement, une grande partie a été distribuée aux maquisards, ce qui est tout à fait logique. Mmh. Mais aussi à des partis politiques. Et encore, ont pu être détournés. Alors, les rapports officiels établis après-guerre mentionnent par exemple le versement d'une somme de 430 millions... prélevé par Monsieur X. Mystère quant à ce Monsieur X. Il mentionne aussi la perte de 2 millions de francs au cours de la prise de Neuvik, c'est-à-dire entre la gare de Neuvik et le PC des résistants à Cendrier. Du manque dans une liasse à hauteur de 237 000 francs. D'autre part, il y fait mention du versement de 500 000 francs pour la libération de 3 prisonniers, sans que l'on connaisse ni le nom du bénéficiaire, ni ceux des 3 prisonniers soi-disant libérés. En fait, on est sûr que d'une chose, une somme de 100 000 francs fut versée pour la publication d'un journal, la Dordogne Libre, quotidien, qui existe toujours, il faut le souligner. On a dit aussi que des paysans, notamment, avaient été remboursés de ce qui... Alors, ce qui n'était pas un racket, pour le coup, mais ce qui était peut-être une contribution financière à la résistance. Ça ne devait pas être facile, quand même, pour ces paysans qui n'étaient pas riches. Et donc, une partie de l'argent les aurait remboursés, c'est cela ? Oui, alors effectivement, au départ, si vous voulez, lorsque le résistant a besoin, par exemple, d'une vache, d'un cochon ou de pain, etc., et lorsqu'ils aillent dans une ferme pour prélever du vin ou autre chose, ils établissaient des bons de réquisition au nom du FFI et ils ont remboursé ces bons au fur et à mesure que l'argent de Novik est arrivé, parce qu'il était normal quand même que les gens, si vous voulez, qui avaient été dilapidés ainsi de biens, si vous voulez, soient remboursés. Mais tout le monde n'a pas été remboursé, il faut noter, mais quand même une partie de l'argent a servi à cela. D'accord, donc on n'est pas face à un racket, on n'est pas face à une espèce d'impôt révolutionnaire de groupes terroristes, bandits, ça on connaît, on est encore une fois, c'est bien compris, dans une démarche de guerre, de combat, d'urgence, contre le drame qu'est l'occupation, on est bien d'accord. Absolument. Bien. Un autre objet du débat est le fameux rapport Clapier, celui qui établirait les véritables bénéficiaires d'une partie de l'argent prélevé par la résistance entre un bien. Que sait-on de ce document qui, je le rappelle, n'a jamais été rendu public ? Alors, ce rapport, certainement très instructif, n'a effectivement jamais été divulgué. Pourquoi ? À vrai dire, tout le monde de résistance, tous les partis politiques ont bénéficié de cette manne miraculeusement venue du Périgord, alors que la France, sortie de 5 années terribles, devait se reconstruire, devait renaître. Certes, il est probable que certaines personnes ont détourné une petite partie du butin, mais les responsables politiques ont dû se dire « Pourquoi, après ces années de guerre, dévoiler au grand jour des faits qui auraient pu ternir l'image de la résistance ?» Donc, tout le monde en a bénéficié, il valait mieux mettre un grand voile sur ces milliards qui avaient été détournés. Bon, alors, les conséquences de cette affaire viennent pour certains entacher le grand fait d'armes de résistance qui a été ce braquage du train, et ça met en colère certains des résistants qui ont participé au commando. Vous allez écouter d'ailleurs le témoignage sur ce point de l'un d'entre eux. Moi, ce qui mérite dans cette histoire, on a passé 50 ans sans en parler même entre nous. Pendant 50 ans, vous n'en avez pas parlé. Ah non ? Vous aviez bien quand même conscience d'avoir participé à une action d'éclat. Non. Non. Non. C'était passé. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, pas du tout. Vous prenez 2 milliards et quelques et ça vous fait ni chaud ni froid. Mais non, on n'y a pas attaché d'importance. 2 milliards 280 millions. Oui, mais vous pouvez interroger tous ceux qui y étaient, vous diront tous comme non. Non, point. Ça n'avait aucune importance pour nous. Absolument aucune. La seule importance qu'il y a eu pour nous les jeunes, je vous le répète, c'est d'avoir participé. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Guy Penaud, cette réaction, ce témoignage ? Alors, il faut dire que cette affaire de milliards dérobés entre guillemets, naturellement, par la résistance à Novik, a fait beaucoup parler dans le Périgord depuis. Oui. Et chaque fois qu'on évoque cette période de la résistance, on nous parle de ces milliards, on dit, mais oui, que sont devenus ces milliards? Qui en a bénéficié? Quels sont les auteurs? Quelle maison a été construite? Quel magasin a été ouvert, etc. Donc, il est normal que cette affaire... Alors, beaucoup de résistants, d'ailleurs, il faut dire, chose assez étonnante, ceux qui ont participé à l'attaque même du train de Novik, sont arrivés le soir et comme seule récompense qu'ils ont eue, c'est des boîtes de sardines pour manger le soir, parce qu'ils n'avaient pas mangé avant l'opération. On a ouvert des boîtes de sardines et ça a été leur seule récompense. Bien, raison de plus, Guy Penaud, pour ne pas jeter la suspicion sur ce qui s'est passé et sur ce qui reste un acte de résistance, de guerre, c'est un acte de bravoure. Au revoir, monsieur. À bientôt. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, le hold-up par les résistants du train Périgueux-Bordeaux en 1944. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Sacha Tropp qui était à la technique aujourd'hui. Demain, 3e épisode de notre série sur François Fillon et la présidentielle de 2017. Série intitulée, vous le savez, La Veste.